si ça fait de la zigmue, juste pour déconner. Watch up, chez toi ça se tire dessus pour des cabriolets. Watch up, des tonnes de sang de surplus, je sais plus quoi donner. Watch up, j'attends toujours celui qui viendra m'étonner. Watch up, ici ça fait de la zigmue, juste pour déconner. Watch up, chez toi ça se tire dessus pour des cabriolets. Watch up, des tonnes de sang de surplus, je sais plus quoi donner. Watch up, j'attends toujours celui. Crie, quoi que la concuse bute dans les écrits, je protège l'inspire, elle revient comme un frisbee. J'ai connu